Chapitre 2. La présence d'Agathe modifia quelque peu les habitudes d'Élisabeth, en ce sens qu'elle se rendit moins souvent à Aigueblanche. Mais Catherine venait la voir presque chaque jour, soit à bicyclette, soit à pied. En ce dernier cas, elle passait par le sentier de la poterne, celle-ci depuis longtemps demeurant ouverte, car on ignorait ce que la clé était devenue. Parfois, Willibald venait chercher sa sœur en voiture et prenait le thé avec les deux amis dans la tour ou bien dans le parterre. Sa physionomie assombrie se détendait alors. Il s'attardait à causer, à écouter sa sœur et sa cousine, à regarder les dessins et les aquarelles d'Élisabeth. Ils avaient renoncé d'un accord tacite aux promenades à cheval, car Agathe aurait voulu être de la partie. « Or, disait Catherine, c'est une chose bien suffisante de l'avoir autour de nous dans la maison, faisant la chatte, ayant toujours l'air d'être prête à offrir son aide, et finalement, ne faisant rien autre chose que de s'occuper d'elle-même. » Parfois, la jeune comtesse venait à Montparoux et passait l'après-midi avec son fils dans le parc. Élisabeth, jusqu'alors, avait toujours évité de la rencontrer. Elle s'était réjouie de se trouver au village un jour où Agathe était montée au premier étage de la tour. Mais elle songeait en soupirant que bientôt la jeune femme passerait une grande partie de son temps à Montparoux dès l'arrivée de sa mère. Des invités logeraient au château, des réceptions s'y donneraient. Le calme, la solitude des jardins et du parc seraient ainsi troublés pendant 2 ou 3 semaines. « Vous viendrez plus souvent chez nous durant ce temps, » disait Catherine. « Le plus souvent possible, » ajoutait Willibald avec son rare sourire. Pour le moment, les jeunes filles se retrouvaient presque chaque après-midi à Sauvin-le-Bénit où Catherine, à l'harmonium, exerçait les jeunes filles du village qui formaient un chœur dont faisait aussi partie Élisabeth. Elle s'occupait de décorer l'église, allait causer un instant avec la mère du curé ou avec l'ancienne femme de chambre, Émilie. Puis elle remontait ensemble à Montparoux quand un travail pressé n'attendait pas Catherine à Aigueblanche. Parfois, vers la fin de l'après-midi surtout, Élisabeth allait s'asseoir comme autrefois dans la baie ogivale de la vieille salle. Elle lisait ou dessinait, ayant sous les yeux ce paysage dont elle aimait la beauté un peu sévère. Peut-être, quand le château serait habité, trouverait-elle là un tranquille asile où les élégantes relations de Madame de Ruden ne viendraient pas la déranger. Le dernier jour de juillet, elle s'y rendit vers 4 heures, emportant son album à dessin. Depuis quelque temps, elle étudiait des motifs de décoration qu'elle comptait présenter l'hiver suivant à une maison pour laquelle son oncle pouvait lui procurer une introduction. Quand elle fut assise, elle ouvrit l'album et essaya de s'appliquer à son travail. Mais elle manquait d'entrain. Fallait-il attribuer à la chaleur orageuse de cet après-midi, ou bien plutôt à la perspective de voir arriver, le lendemain, M. de Ruden et sa femme? Agathe était venue la veille au château pour faire préparer les appartements par Damien et Aglaé. On attendait ce soir les domestiques venant de Paris. Les Ruden continuaient de mener grand train. Pourtant, d'après ce que Catherine avait entendu dire par son frère, la fortune de Judith et de sa fille, héritage du vicomte de Combron, qu'il avait lui-même reçu d'un oncle enrichi en Amérique du Sud, était sérieusement diminué, comme beaucoup d'autres à cette époque. Les bijoux de la grand-mère hindoue feraient bien leur affaire pour se remettre à flot, songeait Élisabeth avec un amusement ironique. Elle les avait retrouvés intacts derrière la plaque de cheminée aux armes des Ruden. Ils resteraient là, combien de temps ? La vieille comtesse lui avait fait promettre de ne révéler son secret à personne au monde, sauf à son mari, si elle en avait un. Mais comme elle ne se marierait pas, il resterait probablement dans leur cachette. Cependant, il faudrait bien, un jour, qu'elle en parlât à quelqu'un, car elle pouvait mourir subitement, dans quelque accident, avant qu'il lui fût possible de faire connaître leur existence. À qui donc ? Pas à Calix, retranché dans sa farouche solitude. Un seul nom se présentait à elle, Willibald. Elle pourrait lui confier le secret de la cachette, lui dire de prendre les joyaux en cas de mort prématurée, de les considérer comme son bien. Et après Willibald, ce serait le fils d'Agathe qui en hériterait. Non, il y aurait là une méconnaissance des intentions de l'aïeul. Il lui faudrait trouver autre chose. Presque machinalement, elle traçait sur le papier des contours qui se transformaient en chauves-souris volant parmi des arbres aux formes fantastiques. Sur un fond de laque pâle, elle obtiendrait là une décoration de paravent qui ne manquerait peut-être pas d'originalité. Elle demanderait son avis à Willibald, dont le goût était très sûr. Entendant un bruit de pas, elle songea « Voilà sans doute Catherine !» et elle tourna la tête vers les trois ouvertures du couloir qui menaient à la poterne. Non, ce n'était pas Catherine, mais Willibald. Il dit avec surprise « Ah, vous êtes là, Élisabeth. Vous travaillez ?»« Bien peu, je ne suis pas en train. » Elle souriait en lui tendant la main. « Catherine ne vient pas aujourd'hui ?»« Non, ma mère et elle s'occupent des confitures. Je vous apporte cet ouvrage de Chesterton dont Abel et moi vous avions parlé l'autre jour. Mais, Élisabeth, quelle imprudence de vous asseoir là !» Elle eut un rire léger. « Oh, j'y suis tellement habituée. C'était mon lieu de refuge favori autrefois. » Ma bonne Adélaïde seule savait m'y trouver quand, par hasard, on me demandait au château. Mais, puisque vous voilà, donnez-moi donc votre avis sur ce dessin. » Elle lui tendit l'album, puis se leva en secouant sa robe un peu froissée. « Qu'en dites-vous pour un paravent ou un panneau décoratif ?»« Très bien, ce dessin a du caractère, rien de mièvre ou de trop recherché. » On reconnaît votre nature dans vos œuvres, Élisabeth. » Il la regardait avec une attention grave, ardente. Les joues mates se colorèrent un peu, les cils frémirent sur les yeux si vivants, aux changeantes couleurs d'automne. Une nature que j'ai méconnue autrefois. La bouche de Willibald eut une crispation d'amertume. Élisabeth, reprenant l'album d'entre ses mains, se mit à en tourner machinalement les pages. Des bouffées de chaleur orageuse entraient dans la vieille salle, soulevaient légèrement les boucles brunes qui entouraient le jeune visage sérieux, tout frémissant d'une émotion contenue. « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez répondu un jour en sortant du presbytère, peu après que votre père vous eut appris que vous seriez envoyé en Angleterre ? Je vous avais dit que vous ne faisiez pas ce qu'il fallait pour qu'on vous regrettât, et j'ajoutais que Madame de Rudaine et Agathe ne souhaitaient que de vous aimer. Je vous ai répondu, quand vous les connaîtrez mieux, Willibald, vous vous souviendrez de ce que vous me dites là. Oui, ce jour est arrivé très vite, Élisabeth. » Il se tut. Élisabeth promenait des doigts un peu tremblants entre les feuilles de l'album. La voix, le regard de Willibald décelait une âpre souffrance qui pénétrait jusqu'à son propre cœur. Elle murmura, hésitante, ne sachant si elle devait toucher à cette blessure. « Pourquoi avez-vous fait cela ? Oh, je n'ai jamais compris. Vous et elle ?» Il dit brusquement. « Vous m'avez blâmé, méprisé peut-être ?» Il la regardait les yeux dans les yeux. Ses lèvres, tout son visage, étaient contractés. Elle répondit avec douceur. « J'ai eu le tort de croire que vous faisiez ce mariage par intérêt. Mais depuis mon retour ici, j'ai été complètement détrompée sur ce point. Alors, pourquoi l'ai-je épousé d'après vous ?» Sa voix restait brusque, presque violente. « Parce que vous l'aimiez à ce moment-là. » Une sorte de rire s'étrangla dans la gorge de Willibald. L'aimer, moi ? Non, certes, mais j'avais 24 ans, mon cœur était libre et je me suis laissé persuader par ma mère de faire ce mariage de raison. Agathe ne me déplaisait pas, je pensais n'avoir aucune peine à être pour elle un bon mari. Cependant, peu de temps avant notre union, j'ai eu comme une intuition que je me trompais sur cette nature. Mais je ne l'ai vraiment connue qu'un peu plus tard. C'est un abîme de fausseté, Élisabeth. Oui, comme sa mère. Et mon fils, cet enfant qui est son portrait physiquement, est peut-être... Mais je le garderai près de moi désormais, afin de lutter sans cesse contre ses instincts qu'il tient d'elle. Car j'aimerais mieux le voir mort s'il devait plus tard devenir semblable à elle. » La voix âpre, douloureuse, fit tressaillir Élisabeth. Là était peut-être, comme elle l'avait pressenti, en remarquant certains regards chargés d'angoisse attachés sur le visage angélique de Thierry, le plus cruel tourment de Willibald. D'un geste spontané, elle prit la main de son cousin. « Espérez, Willibald, près de vous, soustrait à cette influence, il peut apprendre la sincérité, la loyauté. » Elle le regardait avec une émotion si vive qu'un léger voile de larmes couvrait ses beaux yeux. Il se pencha et posa ses lèvres sur ses doigts tièdes et tremblants. « Merci, Élisabeth, dit-il à mi-voix. Il se redressa, les yeux comme éclairés d'une flamme intérieure. Puis celle-ci, brusquement s'évanouit, disparut du moins sous les paupières à demi abaissées. Willibald retira sa main, qui venait de se raidir dans celle d'Élisabeth, et dit avec un étrange accent un peu rauque « Je m'excuse d'avoir évoqué devant vous toute cette misère, mais je voulais que vous sachiez combien nous avons tous été trompés, naguère, à votre sujet. J'ai oublié ce passé qui me fut pénible, je l'avoue. Bien souvent, j'ai cru vous détester, Willibald. » Elle le regardait avec une émotion qui accélérait les battements de son cœur. Mais il tenait les yeux un peu détournés, comme si tout à coup la vieille cour, aperçue par l'ouverture béante de la salle, lui eût inspiré un vif intérêt. « Je vous ai dérangé dans votre travail. Maintenant, je vous laisse et vais retrouver ma bicyclette que j'ai laissée au bas du sentier. » Il s'interrompit en fronçant les sourcils. Suivant la direction de ce regard, Élisabeth vit Thierry, vêtu de blanc, qui s'avançait vers le seuil de la salle. « Que viens-tu faire ici ?» demanda sèchement Willibald. Avant que l'enfant eût répondu, Agathe apparaissait derrière son fils. « Ah, cher ami, vous êtes là, et vous aussi, Élisabeth !» Écartant Thierry, elle entra, toute rose et blanche sous ses cheveux savamment bouclés, tenant sous son bras un de ses petits chiens à la mode, semblable à un animal en carton qu'elle traînait partout avec elle. Son regard, d'un bleu plus céleste que jamais, souriait à Willibald, glissait doucement vers Élisabeth, un instant saisi par la surprise. « Je ne supposais pas que je vous trouverais dans ces ruines, tous deux !» Cette suspension légère, dans la phrase suavement distillée par les lèvres roses, parut faire sur Willibald l'effet d'un aiguillon. Il y eut une lueur dans son regard, un dur mouvement des mâchoires. « Et pourquoi pas? La vue est fort belle d'ici. Vous pouvez l'admirer si le cœur vous en dit. » Agathe fit quelques pas encore. Elle souriait toujours, ingénument. « C'est une raison, en effet. Mais ce lieu manque un peu de confort. Vous n'avez même pas un siège, Élisabeth. » « Je m'assieds sur ce rebord, » dit sèchement Élisabeth. « Oh, c'est terriblement dangereux. Vous devriez le lui dire, Willibald. » « C'est ce que j'ai fait, rassurez-vous. » La glaciale ironie de cette voix ne parut pas faire impression sur Agathe. Elle jeta un coup d'œil vers le paysage que la baie encadrait, puis se tourna vers Élisabeth en désignant l'album que celle-ci tenait à la main. « Vous dessinez ? Montrez-moi, voulez-vous ? » Élisabeth lui tendit l'album. Agathe le feuilleta et s'arrêta sur le dessin des chauves-souris. « Oh, très joli ! Vous avez vu Willibald ? » « Oui, mais laissons maintenant Élisabeth travailler. Nous ne l'avons que trop dérangée. » « Oh, moi, très peu. Vous, peut-être, mon ami, si vous étiez là depuis longtemps. » Ce sourire d'Agathe, suave, un peu puéril, ce sourire d'innocence. Willibald serra les dents et ses yeux devinrent d'un noir brûlant. « Au revoir, Élisabeth, » dit-il brièvement. Il serra la main qu'elle lui tendait et se dirigea vers la cour. « Vous êtes venu en voiture, cher ami ?» demanda Agathe. « Non. Eh bien, j'ai la mienne, nous partirons ensemble. » Merci, mais je retournerai à bicyclette. Comme vous voudrez. Chère Élisabeth, qu'y a-t-il de plus capricieux que les hommes ? Elle prenait un ton plaintif et rieur à la fois. Sa main saisit celle d'Élisabeth et la pressa longuement. À bientôt, nous nous verrons plus souvent maintenant que je passerai une partie de mes journées à Montparoux. Elle s'en alla vers la cour, suivie de Thierry. Mais sur le seuil, elle se détourna, jeta un regard vers la svelte jeune fille debout près de la baie, un regard qui détaillait cette souple silhouette vêtue d'une étoffe légère à grands dessins blancs, ce visage d'une grâce parfaite encadré de boucles aux reflets de satin. Élisabeth la suivait des yeux avec une expression de mépris. Sur les lèvres de la jeune femme, le sourire devint un rictus tandis qu'elle murmurait « Quelles choses intéressantes on découvre parfois dans les ruines !» Quand elle eut disparu, Élisabeth s'assit de nouveau et, les coudes aux genoux, appuya son visage contre ses mains croisées. Elle songeait « Il ne l'a jamais aimée !» Une joie secrète soulevait son âme. Avec quelle brusque franchise et quelle confiance il lui avait appris la vérité sur son mariage et laissé voir quelque chose de sa souffrance. Ah, que ne pouvait-elle apaiser celle-ci, l'en délivrer ? Ses yeux erraient sans les voir sur les sapins, plus sombres sous ce ciel d'orange, sur la vallée engourdie dans la lourde chaleur de cet après-midi. Une soudaine angoisse s'insinuait en elle. Le doux visage d'Agathe, son câlin, puéril sourire, et pendant une seconde, cette bouche déformée par un affreux rire silencieux. Elle les revoyait et frissonnait, saisie d'un obscur malaise. Elle se redressa, la poitrine oppressée, en songeant. « Cette Agathe a vraiment quelque chose de maléfique. Mais je ne suis plus la petite fille d'autrefois, et que peut-elle maintenant contre moi ?»